quelle devrait finalement être la démarche des BRICS? On voit véritablement qu'aujourd'hui, on est en train de tout faire pour pouvoir avoir dans son giron un certain nombre de pays qui puissent aussi permettre à établir un véritable rapport de force, si je puis m'exprimer comme ça. On a vu très récemment, en décembre dernier, le président Xi Jinping aller du côté des pays du Golfe. Est-ce que, et on connaît plus ou moins le désamour qui existe déjà entre les États-Unis et les pays du Golfe, est-ce que permettre aujourd'hui à ce que les BRICS soient davantage élargis lui donnerait aujourd'hui véritablement des coups d'effrange pour implémenter cette nouvelle, du moins cette vision qui est pour du moins les économistes qu'on a écoutés une dynamique en tout cas salvatrice? Je pense que mes prédécesseurs ont posé les bases techniques, vous l'avez dit. Le docteur Nduma a dit qu'il me réservait les questions géopolitiques. Alors que lui, il a fait de la géopolitique dans son analyse. La géoéconomie va de pair avec la géopolitique. Donc, ils ont fait, il a fait de la géopolitique. Docteur Basile Kim, pareil. Non, d'abord, je voulais. Il a été dit, docteur Douma a fait un coup magistral dans le sens de rappeler l'historique du système monétaire international et les bases qui l'ont fondé avec ce monopole de l'or qui a été l'apanage des Américains après les deux guerres mondiales, en particulier le pillage de l'or du Japon, entre autres. Et quand on dit les États-Unis, ce sont les familles, là, ces familles qui ont après privatisé les banques centrales des États. Les États occidentaux, vous savez de qui je parle, on ne va pas revenir là-dessus, et qui, n'est-ce pas, ont bâti le système international. Quand ça ne les arrangeait plus, à cause des raisons qu'il a invoquées, ils ont déconnecté le dollar alors et ils l'ont connecté au pétrole. Parce qu'ils contrôlaient le Moyen-Orient, les sources de pétrole. On appelait ça le pétrodollar. Pétrodollar, qui va déboucher sur un autre cycle extraordinaire de la financiarisation, à savoir le pouvoir des banques privées de créer de la monnaie. On appelle ça la banque commerciale, un euphémisme, créer de la monnaie. C'est quand même très grave. Pendant qu'on interdisait aux États ce privilège, on donnait ça aux banquiers, créer de la monnaie, entre autres. Donc ces évolutions sont connues. Ces évolutions sont connues, il l'a démontré magistralement, docteur Basile Kim aussi. Ces évolutions sont connues, elles ont débouché sur ce qu'on peut appeler un totalitarisme monétaire et financier. Bon, excusez-moi, moi je suis souvent excessif, mais ce n'est pas un excès. Une espèce d'hitlérisme financier. C'est-à-dire qu'il s'est abattu sur le monde. Avec un carcan violent, extrêmement violent sur le plan monétaire, qui a pris, qui ne laissait pas des choix à des pays. Mais si, écoutez, mais si on fait ça à la Russie et à la Chine, combien de fois les pays africains? Vous vous rendez compte? Vous voulez asphyxier la Russie? Vous connaissez la Russie en termes de grandeur, de poids, en termes de puissance? Vous vous rendez compte? Vous avez la plus grande puissance nucléaire de la planète. Et les gens, quand même, n'ont pas peur. Ils ont le courage de vouloir l'associer financièrement. Je peux vous dire à quel niveau on était arrivé. Ce sont des nazis, c'est le nazisme financier, c'est-à-dire un peu d'étranglement financier et monétaire des nations. C'est là où on était arrivé, c'est le cacan là, qui est abouti sur cette cartélisation mafieuse du système financier international avec le contrôle exercé sur l'essentiel des banques centrales du monde par quelques familles. Et qui a structuré ce qu'on appelait l'état profond. Entre autres, il y a plusieurs éléments qui font l'état profond. Par exemple, lorsqu'une famille comme Rockefeller a créé la CIA et contrôle une bonne partie de l'état américain, c'est une famille, c'est Rockefeller qui a créé la CIA. Vous vous rendez à quel niveau? Vous vous rendez compte à quel niveau ces gens sont puissants, entre guillemets, et peuvent, n'est-ce pas, dans leur projet, n'est-ce pas, aller au bout de leur logique. Donc, pillage monétaire des réserves nationales, il a dit, pillage monétaire des réserves mondiales, le dollar qui est une fausse monnaie en partie, fausse monnaie parce qu'une bonne partie du dollar, comme il dit, ça dit que c'est comment on dit ça? Vous mettez vos actifs dans les réserves en dollars, mais vous n'avez aucun contrôle dessus. Ce qui permet à l'Amérique, aux États-Unis, de vivre largement au-dessus de leurs moyens en vous faisant payer le train de vie artificiel. C'est de cela qu'il s'agit. Et on maintient le système par des guerres géopolitiques. Chaque fois que ça va être remis en cause, on crée une guerre. La guerre en Ukraine, c'était ça. C'est toujours une manière de vouloir préserver la suprématie du dollar. C'est de cela qu'il s'agit, la guerre en Ukraine. La Russie a anticipé. Ça me permet de dire quoi? De dire que, tout à l'heure, j'ai entendu un certain pessimisme qui a surgi dans vos propos, à savoir que oui, bon, ils ont la capacité de phagocyter ce nouveau bébé monétaire, c'est le système international. Je pense que c'est important de souligner quelque chose. Il ne faut pas donner à l'Occident une puissance qu'il n'a pas. L'Occident n'a pas créé le monde. les fantasmes impérialistes de l'Occident, il faut les laisser. C'est ça qui est intellectuel là. Le monde est trop compliqué pour être dominé par l'Occident. Le monde est trop compliqué pour que l'Occident elle croit qu'il peut contrôler le monde. Ce sont ces rêveries qui sont en train de tout. Ça les a rendus fous. On appelle ça l'ivresse de la puissance. Le monde est trop complexe pour que une puissance ou bien une alliance de puissance, une hyperpuissance, s'asseye sur le trône du monde et dit moi je vais régenter vos vies, je vais régenter vos rêves. Là on est au-delà de la géopolitique et de la géoéconomie, on est au-delà de ça. Est-ce que vous croyez que les Américains, les Occidentaux, entre guillemets, l'Amérique est en mesure de contrôler le monde? Pour contrôler le monde, il faut contrôler Dieu, le vrai. Ils sont capables, ces petits voyous. Ils sont dans une. C'est une don à partir de là. C'est-à-dire que même permettez-moi de parler comme ça, sur le plan naturel, c'est un rêve insensé. L'histoire est remplie, le cimetière de l'histoire est rempli de rêveries de ce genre. Ils se sont effondrés dès qu'on croyait avoir atteint la puissance, le seuil supérieur de la puissance. Faut que Rome pensait quoi? Qu'est-ce que Rome pensait? Avant Rome, la Grèce pensait quoi? Toutes les puissances qui ont rêvé de l'Empire universel se sont écroulées, n'est-ce pas, au sommet de leur puissance. Deuxièmement, ce qui me permet de dire quoi? De dire que la possibilité géopolitique qui apparaît, si on se réfère au leçon de l'histoire, c'est est-ce qu'il est possible qu'il y ait une tripolarisation géopolitique mondiale, c'est-à-dire une entente entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Parce que c'est l'entente entre la... Yalta, c'est quoi? C'est l'entente entre l'Occident et la Russie qui a créé la guerre froide, qui a débouché cette guerre froide, entre guillemets, mais qui est soutenue derrière par une entente, parce que la Russie s'est imposée par sa victoire sur le nazisme et a obligé l'Occident à négocier avec l'Occident. Donc, à négocier avec la Russie, pardon. Donc les choses... Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible qu'il y ait une telle tripolarisation? C'est ça le vrai débat géopolitique. Alors, si on analyse les forces en présence, on voit très bien que la Chine, que ce soit la Chine ou la Russie, mesdames, messieurs, mais ces deux pays jouent leur suivi. Hein. On n'est pas en train de voir ça. C'est la disparition de la Russie qui est en jeu, là. C'est ça qui a été programmé. La disparition de la Chine pour les Américains, la géopolitique américaine, c'est clair, c'est le démembrement de la Chine. Quand vous voyez ce qui se prépare autour de Taïwan, c'est une affaire de vie ou de mort. Donc, ça veut dire que à moyen terme et à long terme, l'enjeu d'abord, c'est que ces pays-là, ces puissances survivent à la volonté occidentale, à la volonté américaine, n'est-ce pas, de les démembrer et de les soumettre à l'ordre américain, qui est en réalité un ordre financier. D'ailleurs, ce que j'en sais, vous voyez que, ben, pour anticiper sur le dollar, et c'est bien que Dr. Dumas soit là, cet après-midi, vous voyez très bien que maintenant, vous commence à vous dire qu'en fait, l'Amérique va, c'est-à-dire l'Amérique avoue maintenant que la monnaie numérique, c'était son joker. Là, maintenant, ça a été dit ouvertement, la semaine dernière, que la monnaie numérique était son joker, et qu'avec ça, elle a l'ambition de contrecarrer, c'est-à-dire que d'anticiper sur le nouvel ordonnancement mondial qui se prépare, puisque les autres ont parié sur la chute du dollar, la disparition du dollar. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, maintenant, heureusement que même en la matière, les Chinois, ils ont cette technologie aussi. En la matière, c'est une bonne chose pour le monde. Donc, le débat, il est là. Est-ce que cette tripolarisation est l'avenir de l'humanité? C'est là où ça pose une question aux Africains. C'est là où ça nous interpelle. Le débat n'est pas de savoir, de réfléchir abstraitement sur une possible tripolarisation qui va encore nous marginaliser l'Europe, tout ça, et qu'on soit sur, n'est-ce pas, l'avenir du monde. Parce que là, maintenant, quand les Américains décident de vassaliser l'Europe, comme on est en train de voir, de là, de coloniser économiquement, c'est parce que rapidement, là, ils veulent maximiser toutes les chances de leur côté pour cette discussion, c'est ce nouveau rapport de force qui va sanctionner cette guerre en Ukraine. Donc ça veut dire que pour l'Amérique, l'Europe n'existe plus. Elle avale ça. Avant, elle les a laissés, elle avale ça. L'Europe, c'est près de, je crois, si vous me souvenez, c'est près de 25% de l'économie mondiale, non? L'Europe, près de 25% de l'économie mondiale. Oui, environ un quart de l'économie mondiale, la puissance européenne. Mais c'est une puissance économique qui n'est pas une puissance géopolitique, parce que c'est inacceptable pour les Américains que l'Europe s'émancipe de la tutelle militaire américaine. Donc ça fait que c'est une basse-cour des États-Unis. Là, maintenant, elle est rentrée dans sa basse-cour, parce qu'elle va affronter, n'est-ce pas, cette guerre géopolitique qui s'annonce là, et qui est une guerre déterminante pour l'avenir de l'humanité. La question qui se pose, c'est quoi? Raisonnons sérieusement. Que ce soit les BRICS, tous ces machins-là, c'est du capitalisme monétaire. On va pas rêver. C'est du capitalisme. Le capitalisme a ses lois. Les Occidentaux ont voulu faire basculer le monde dans la quatrième révolution mondiale, industrielle mondiale, à leur avantage, comme ça a été à leur avantage les trois premières révolutions industrielles. Ça a échoué, parce que la Russie et la Chine ont dit niet, parce que c'est contre leurs intérêts. Mais pour autant, on reste dans le capitalisme. Ça veut dire que si on a refusé de basculer dans l'économie, dans le capitalisme numérique à tout prix, et digitalisé, avec ses conséquences que nous connaissons, le grand reset, mais on va rester dans le cadre capitaliste traditionnel. Mais quelles sont les lois du capitalisme? On les connaît. C'est le profit pour le profit. Même s'il y aura des particularités au niveau du capitalisme d'État russe, du capitalisme du socialisme chinois, tout ce que vous voulez, mais tout ça encore, on est sur les lois du capitalisme, même si, il faut être honnête, la structure de l'État chinois, c'est quelque chose. On est là en plein capitalisme d'État, version socialiste. Et il y a en Chine un parti qu'on appelle Parti communiste, et qui se traduit par la domination absolue du parti sur l'économie. C'est un fait. Mais ça n'empêche pas que c'est dans les lois du capitalisme. Donc, nous sommes dans ce qu'on peut appeler, c'est ce que j'ai appelé une multipolarisation monétaire. C'est ça qui est là devant nous. Ou bien j'appelle ça encore autrement, capitalisme multipolaire. On aura plusieurs pôles capitalistes en face de nous. La question fondamentale pour l'Afrique est de savoir comment on tire profit de ça. C'est ça qui est essentiel. Comment on tire profit de ça, d'auteur de maladie. La banque des BRICS, c'est une offre de plus sur le marché financier. C'est une offre de plus. Ça veut dire qu'on peut choisir entre plusieurs offres. C'est un avantage extraordinaire. Là où hier, il y avait le totalitarisme monétaire et financier, avec le diktat de la Banque mondiale et du FMI. Là, on a une alternative. Mais si on reste dans le cadre du capitalisme, si on reste dans le même cadre là, ça risque d'être simplement, comment on dit ça, un faux progrès. Ça veut dire qu'un ajustement simple, c'est comme ce qu'on a appelé là, diversification des partenariats. Vous pouvez diversifier les partenariats sans vous développer. Hein. C'est que l'État simplement a des marges de manœuvre. Hein. Il peut renouveler les classes dirigeantes, n'est-ce pas? Plusieurs classes dirigeantes peuvent cohabiter dans un consensus et faire supporter la charge, n'est-ce pas, du labeur national sur le dos du peuple. Mais sans sortir du cercle vicieux du sous-développement, ça peut se faire. Donc, il y a une multipolarité au niveau du capitalisme. Comment l'Afrique fait pour sortir de cette, pour tirer profit? Je dis ceci. Il leur est venu pour que l'Afrique fasse émerger son marché financier. Propre à lui. Propre à elle. Le modèle africain en la matière, c'est quoi? C'est ça. Tant qu'il n'y aura pas ça, ça va élargir nos opportunités. Ça va donner les marges de manœuvre aux classes dirigeantes. Mais on ne sortira pas. On va gérer plusieurs partenariats. C'est bon. À court terme, là, c'est indispensable pour nous. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais pour que on ne débouche pas sur une tripolarisation, c'est-à-dire sur un arrangement à la fin, où peut-être ces puissances dans l'affrontement peuvent se neutraliser et dire qu'ok, faisons un accord, comment dire, soyons pragmatiques, entendons-nous, sur le dos du reste du monde. Pour éviter ça, il faut que l'Afrique se saisisse de cette opportunité pour émerger avec son beau modèle. Ce sont les panafricanismes, c'est possible, on a tout maintenant même pour le faire. Et il faut profiter de cette brèche. Le drame qu'il y a, c'est quoi? C'est que cette situation arrive, eh bien, l'Afrique est divisée. On est encore divisé, il y a un pôle pro-occidental africain, il y a des pôles, mais ça ne fait rien. Il faut que le groupe, n'est-ce pas, le camp des dirigeants africains, des nations africaines, qui est bien placé pour saisir cette opportunité, il faut qu'ils aillent au bout. Il faut qu'ils aillent au bout en innovant à la matière. Bon, vous allez me dire, oh, peut-être tu vois trop loin, peut-être c'est trop osé. Mais le débat là, il est là. C'est un débat réel. Hein. Je le dis et je le répète. La mission des Russes, ce n'est pas d'être. C'est-à-dire, c'est pas de remplacer nos propres efforts. Il ne faut pas rêver. Oui. Les Russes s'occupent des Russes, d'abord. Seulement, dans le cadre de la géopolitique russe, ils sont obligés de sortir des frontières de la Russie pour avoir une démarche globale, parce que c'est la loi maintenant géopolitique du monde. Mais les Russes ne vont pas nous sauver à l'autre place. Est-ce que vous comprenez ça? Pareil pour la Chine. Nous connaissons très bien comment la Chine fonctionne. Faut pas rêver. Vous comprenez? Faut pas rêver. Donc, c'est une opportunité historique extraordinaire pour que le monde débouche sur une véritable, comment dire ça, qu'il y ait une véritable fenêtre d'opportunité pour le monde, il faut que les Africains s'affirment davantage dans ce domaine-là. Il faut que les Africains s'affirment davantage. Les Africains doivent faire de la géopolitique. Malheureusement, on ne veut pas la faire. D'autres dirigeants refusent de faire la géopolitique. C'est pour ça que le panafricanisme que nous sommes en train de porter là, c'est pour que l'Afrique ait un projet géopolitique. Et il n'y a pas de projet géopolitique sans projet géoéconomique. Ce qui suppose un véritable projet financier. Il n'y a pas ça. Il faut commencer quelque part. Et les possibilités existent. Nous avons la base qu'il faut, les matières premières. La diversité. C'est-à-dire que cette guerre-là, les guerres entre les puissances, nous permet de respirer et d'internaliser des dynamiques militaires, n'est-ce pas, qui nous permettent de, comment dire ça, de mieux nous protéger. Et attends, je vais vous dire, la Russie, là où elle est actuellement, elle est prête à tout sur le plan militaire avec les Africains. Oui. Elle est prête à tout parce qu'il va de son intérêt. Oui. Mais qu'est-ce que l'Afrique propose? Qu'est-ce que l'Afrique dit? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nos dirigeants sont prêts? Est-ce que nos dirigeants comprennent que c'est une opportunité pour développer les capacités militaires qui permettent de peser, n'est-ce pas, et de protéger non seulement notre sous-sol, mais de vendre nos matières premières à des prix extraordinaires. Nous parlons souvent toujours en offre sur les capacités de l'or, les capacités en termes d'or en Afrique. C'est l'or qui est la véritable monnaie mondiale. Quelle est la démarche africaine dans ce sens? Les pays se lancent dans la transformation de l'or, ils accumulent de l'or, c'est bien. Mais dans la perspective globale, c'est pas seulement une affaire que chaque pays doit aller de lui-même. Il faut une coordination. Il faut une espèce de coordination au niveau mondial qui permet d'indexer nos matières premières sur l'or et de peser sur le prix et de faire que nos matières premières, le prix, soit fixé à Londres. Alors, l'avantage des BRICS, c'est quoi? C'est que, il y a un grand avantage extraordinaire, c'est qu'ils disent que non. Chaque pays avec sa monnaie peut discuter. C'est ça l'avantage extraordinaire. Local, oui, local. Ta monnaie, tu dis, c'est ça l'avantage. C'est-à-dire qu'on ne vous impose plus le dollar, qui soit la monnaie universelle. Tu as ta monnaie, tu vends tes matières premières. Ça veut dire qu'on est là vers l'arrivée d'un véritable marché libre de matières premières. C'est pas encore ça. Mais on y va. Pourquoi l'Arabie Saoudite va entrer dans les BRICS? Pourquoi les pétro-monarchies se tournent vers le BRICS? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu très bien que, mais, alors que leurs réserves pétrolières s'épuisent, c'est l'Amérique qui s'est enrichie. Oui. Mais le Qatar dit que non, mes gaz là que j'ai là, c'est fini ça. C'est pour le dollar. Maintenant, moi, je discute, je crée, j'ai ma monnaie, je parle avec ton échange, tu as le yuan, moi j'ai ma monnaie, on discute. Et c'est plus avantageux. Mais c'est l'occasion extraordinaire pour l'Afrique de profiter de ça. Tu as tes matières premières, tu as ta monnaie, tu fixes tes prix, tu vas discuter. Mais pour pouvoir bien vendre sur le marché mondial, ben, il y a un ensemble de préalables qu'il faut avoir. Il faut peser, il faut être en mesure de protéger, il faut maîtriser les circuits de vente, il faut innover à ce niveau-là, il faut réfléchir à ce niveau-là. Il me semble que les lourdeurs et les faiblesses structurelles de nos administrations risquent de peser davantage, n'est-ce pas, pour nous empêcher de saisir cette affaire. Mais je ne suis pas pessimiste. Il est très content que l'Afrique ait pu se greffer dans cette dynamique, se saisir de l'opportunité. Les présidents comme Assimi Goïta et les autres, le président Biya du Cameroun qui a signé cet accord avec les Russes, mais nous on sait que c'est vrai que l'État camerounais n'aime pas trop bavarder. Et je ne voudrais pas prendre sur moi certaines choses, mais je vous dis que cet accord-là, c'est une grande opportunité avec la Russie. C'est une grande opportunité, vous ne pouvez pas dire plus, vous comprenez? D'accord. Vous ne pouvez pas dire plus. Donc, les Africains, on est en train de s'accrocher. Il faudrait que la nouvelle génération porte ses projets, porte ses défis, vous savez. Poutine n'a pas fait la magie. Quand Poutine prend le pouvoir en Russie, ce pays est à terre. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. La Russie était à terre. Mais regardez où il a mis le pays. C'est en ça qu'il est un modèle. La capacité de prendre un pays qui est à terre, de le mettre au niveau où il l'a mis, ça devrait inspirer nos dirigeants et expliquer toutes les nouvelles générations africaines. D'accord. Merci à vous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.